Ernest Perrochon. Le livre des quatre saisons. Macoco chez les hommes. Chapitre 1. Dans la cour de l'usine, le vent d'est sifflait comme un apprenti mal élevé. Il secouait le zinc des gouttières, se déchirait aux pointes aiguës des grilles, se ruait, avec un mugissement rauque, aux ouvertures béantes. Il taquinait les volets mal fixés, et quand il avait fini par en détacher un, il en giflait le mur. Les fils électriques, qui rayaient le ciel comme du papier à musique entre les isolateurs de porcelaine, vibraient sourdement, chacun donnant sa note. Devant la grille d'entrée, parmi les tramways et les automobiles, les piétons marchaient vite, en mitouflés et le nez rougi. Les arbres de l'avenue cédaient leurs dernières feuilles. En ce commencement de novembre, il faisait froid, mais le vent seul en était la cause, car un clair soleil brillait encore. Dans la cour sablée, entre la loge du concierge, les ateliers et les bureaux, il y avait un recoin parfaitement abrité où le soleil tombait, tiède comme un soleil d'avril. Brutus, le chien de garde, y sommeillait, le museau sur les pattes. Un grand bruit lui fit lever la tête. Pompon, le petit ratier, revenait de faire sa tournée de chasse journalière, et maintenant, dressé près de la grille fermée, il aboyait avec fureur, semblait menacer et injurier un invisible ennemi. « Que se passe-t-il donc, petit camarade ?» demanda Brutus. « C'est un vaurien de chien-loup qui se permet de glisser son nez sous la grille. Je ne sais ce qui me retient de lui casser les reins comme un raton à la Saint-Jean. » « tout beau, petit camarade, tu me parais de méchante humeur ce matin. C'est que je viens de manquer pour la cinquième fois le gros rat noir du magasin aux huiles de graissage. Pour la cinquième fois. C'est un peu fort. Avoue qu'il y a de quoi se mettre. « Comme il est beau, Pompon, comme il est beau !» interrompit une voix étrange. C'était Psitta, le perroquet, qui intervenait ainsi. Psitta avait le don d'imiter la parole des hommes. « Voici le beau Pompon, le brave Pompon, Pompon, la terreur des rats !» Du haut de son perchoir, il saluait, à la façon du concierge, l'arrivée du petit chien. Celui-ci pensa que Psitta se moquait de lui. « Wop ! » fit-il rageusement. Il semblait fort irrité. Alors le bon Brutus se dérangea pour lui laisser la meilleure place. « Calme-toi, petit camarade, viens près de moi, viens te réchauffer au soleil. »« Volontiers, dit Pompon, j'ai le bout du nez gelé. » Allongé sur le sable, il ne tarda point à se calmer, en effet, malgré les criailleries de Psitta. Celui-ci, irrité à son tour par l'aboiement du ratier, passait son bec entre les barreaux de la cage et répétait infatigablement « Il est enragé, ce petit chien-là! Il est enragé, ce vilain roquet! Roquet! Roquet! Roquet! Roquet !» Tout à coup, Psitta s'interrompit et se prit à chanter, imitant à présent une voix enfantine « C'est la mère Michel qui a perdu son chat !» Les deux chiens dressèrent l'oreille et tournèrent la tête. Derrière eux, sur la barre d'appui d'une fenêtre entr'ouverte, un bel angora aux longs poils soyeux marchait à pas comptés. Il s'arrêta au milieu de la barre et fixa sur le groupe des chiens deux yeux clairs aux sombres pupilles verticales. « Voici, annonça Pompon, le haut et puissant seigneur Bricadour. » Il ajouta, s'adressant au chat, « Votre Altesse daignerait-elle honorer d'une visite deux chiens de condition modeste ?» Dédaigneux, le chat ne répondit ni ne bougea. Pourtant, quelques instants plus tard, il sauta silencieusement à terre et se dirigea vers le coin ensoleillé. Pompon et Brutus durent, tour à tour, se lever pour lui faire place. Quand il eut trouvé l'endroit où le sable était le plus fin et le plus chaud, il s'y installa en parfait égoïste. Allongé sur le flanc, il étira ses membres, fit jouer ses griffes et se disposa à dormir. mais Pompon, qui était toujours prêt à jouer, lui donna un petit coup de patte sur la tête. « Prince !» Le chat ne bougea pas. Alors le chien recommença, une fois, deux fois, dix fois, et à chaque coup de patte qu'il donnait, il appelait le chat d'un nom pompeux. « Seigneur Bricadour, Bricadour Pacha, Altesse Sérénissime, César, Sultan des Sultans, Roi des Rois, Roi des Rois !» À la fin, changeant de tactique, il frappa un peu plus fort en s'écriant « Esclave, gale de gouttière !» Aussitôt, l'autre se redressa et fit « Fut !» « Ah !» dit Pompon, « je savais bien que votre seigneurie n'était pas sourde. » Le chat demeurait hérissé. « Pas de querelle !» dit le bon Brutus. Ils se recouchèrent et Pompon demanda encore « Ô prince, quel événement extraordinaire vous fit quitter les coussins du salon pour ce lit de sable rude ?» Alors Bricadour daigna répondre. Il se passe dans la maison des choses singulières. L'on y voit des êtres désagréables ou étranges. Quelles choses, quels êtres ? Demanda aussitôt Pompon, qui était fort curieux. D'abord, répondit Bricadour, je vous apprendrai que la maison est en proie aux fumistes et aux ramoneurs. Je le sais, dit Pompon, j'ai vu venir les fumistes et les ramoneurs. Quand ils sont entrés, j'ai aboyé de toutes mes forces, comme c'était mon devoir. Hum, était-ce bien ton devoir ? Observa Brutus. Moi, dont c'est précisément le rôle de garder la maison, je n'aboie pas à tort et à travers quand se présentent d'honnêtes gens. Ce sont d'honnêtes gens que les fumistes et les ramoneurs. Ils viennent tous les ans vers cette époque de la Toussaint. Je les reconnais bien. Mais cette année, ils n'étaient pas seuls, objecta Pompon. Il y avait avec eux des ouvriers inconnus. Je me demande ce que ces derniers font dans la maison. Bricadour tourna la tête et annonça lentement, gravement, comme il eût annoncé une catastrophe. Ils installent le chauffage central par calorifère à circulation d'eau chaude. Eh bien, fit Pompon, de quoi votre seigneurie se plaint-elle ? Une douce chaleur régnera pendant tout l'hiver de la cave au grenier. Si cette chaleur ne lui semble pas suffisante, votre seigneurie pourra se coucher près des radiateurs. Bricadour ne répondit pas au ratier, mais il dit, comme s'il se fût parlé à lui-même, « Combien la cheminée était hospitalière, combien il était agréable de s'y rôtir le bout des pattes, tout en admirant le jeu des étincelles et la surprenante floraison des flammes autour des bûches crépitantes. « Bon, fit le ratier, mais pendant qu'on se brûlait le bout des pattes sur les chenets, un courant d'air sournois venait vous glacer le dos. En tout cas, la cheminée réchauffait mal les parties de la salle un peu éloignées. » Ils discutèrent des différents modes de chauffage. Brutus, qui avait des goûts fort rustiques, déclara « Il faut savoir s'accommoder de tout. La meilleure source de chaleur, c'est, assurément, celle qui nous envoie en ce moment ses rayons, c'est le soleil. Mais l'hiver, lorsque le soleil boude, je suis bien aise, comme vous, de profiter de la chaleur artificielle que les hommes savent produire. Nous avons d'ailleurs cette chance, ici, de pouvoir apprécier presque tous les modes de chauffage, depuis les braseros jusqu'aux calorifères à eau chaude. « J'aime voir un brasero, dit Pompon, gambader autour en aboyant quand le vent rabat la fumée, est un jeu qui me plaît fort. Près d'un brasero, je n'ai pas froid. »« Peut-être, dit Brutus, mais ce sont tes gambades qui font que tu n'as pas froid. Un brasero ne chauffe qu'à petite distance. En outre, quoi que tu en dises, il n'est point si agréable de respirer la fumée. » Le jour où les hommes ont inventé la cheminée, ils ont fait un sérieux progrès. Pour ma part, je ne me rappelle pas sans attendrissement la haute et large cheminée de la ferme où je suis né. J'ai passé de bons moments lorsque j'étais petit, couché en rond sur la plaque de fonte du foyer. Tout cela est bel et bon, dit le ratier, mais on ne peut pas tourner en aboyant autour d'une cheminée comme on le fait autour d'un feu libre. J'aime aboyer, moi. » Goût ridicule, témoignant d'une mauvaise éducation, fit dédaigneusement Bricadour. Que votre seigneurie n'abuse pas de ma patience, riposta Pompon d'un ton un peu menaçant. Paix, paix, mes amis, dit le bon Brutus. Et pour éviter que la querelle n'éclatât, il dirigea l'attention des deux autres vers un ouvrier fumiste qui sortait des bureaux de l'usine, portant sur son épaule un long tuyau de tôle. C'est pour le poil des comptables ou des dactylographes, remarqua Pompon. Un poil tirant bien, avec un grand tuyau comme celui-ci, voilà qui chauffe mieux qu'une cheminée. Bricadour objecta le dessèchement de l'air par le tuyau. Il assura qu'un poêle à tirage défectueux était un appareil, non pas pour se chauffer, mais pour s'asphyxier. Comme preuve, il rappela la mésaventure du concierge qu'un veilleur de nuit avait trouvé presque mort dans sa loge un matin de l'hiver précédent. Brutus, qui, ce matin-là, accompagnait le veilleur de nuit, avait gardé un souvenir très vif de l'accident. Le concierge gisait au pied de son lit, complètement inanimé, et on avait eu beaucoup de peine à le ramener à la vie. Le médecin avait accusé un poêle à combustion lente dont la valve de réglage, fonctionnant mal, avait obstrué le tuyau et refoulé dans la loge des gaz délétères. C'était un peu à cause de cet accident que le directeur de l'usine avait décidé de modifier le système de chauffage. L'usine et les bureaux seraient encore chauffés par des poêles ou des cheminées, les magasins par un calorifère à air chaud, mais pour la maison d'habitation et la loge du concierge, on installait à la cave un puissant calorifère à circulation d'eau. « Je ne crois pas, disait Brutus, que nous ayons à nous en plaindre. D'ailleurs, je le répète, il faut s'accommoder de tout. L'hiver, la chaleur est agréable, qu'elle soit produite par des bûches flambantes, du charbon, du coq, du lignite, de la tourbe, du pétrole, du gaz d'éclairage, ou même qu'elle provienne d'un mystérieux radiateur électrique, comme celui que vous avez pu voir dans le laboratoire des ingénieurs. Soyons donc contents de notre sort et louons nos maîtres. « Ce n'est pas moi qui me plains, » fit observer Pompon. « C'est le seigneur Bricadour qui nous a annoncé des choses singulières et des êtres inquiétants. »« Quels sont donc ces êtres inquiétants ?»« Sans doute de gros rats combatifs à longues dents. » Bricadour n'avait pas la réputation d'un chasseur téméraire. Les rats du magasin aux huiles de graissage l'avaient plus d'une fois mis en fuite. Pompon le lui rappelait de temps en temps, à ses risques et périls d'ailleurs, car Bricadour avait la griffe agile. Cette fois, il ne releva point l'allusion malicieuse. Il prit son temps et déclara « L'oncle Jean, l'explorateur, est revenu. » Brutus et Pompon dressèrent l'oreille, tout joyeux. « L'oncle Jean, frère du directeur. » L'oncle Jean, le grand ami des bêtes, qui les gâtait tant lors des séjours qu'il faisait à l'usine, entre deux voyages d'exploration et de propagande commerciale. Comment peux-tu dire que l'oncle Jean est un personnage inquiétant ? S'écria Pompon indigné. Courons vite lui souhaiter la bienvenue et lui faire fête. Bricadour demeurait froid. Il ajouta : L'explorateur n'est pas revenu seul. Il a amené Macoco. « Tant mieux, fit Pompon, nous verrons donc ce Macoco. Comment est-il fait? A-t-il deux ou quatre pattes? A-t-il des plumes ou des poils? Est-il aussi gros que Brutus, aussi criard que Psitta, aussi égoïste et dédaigneux que toi-même ?» Bricadour ne se hâta point de répondre. Il attendit que la curiosité des deux autres fût à son comble, pour laisser enfin tomber ces mots stupéfiants. « Macoco est une bête à quatre mains. »« À d'autres !» fit Pompon incrédule. « Tu veux te moquer de nous, petit camarade ?» dit à son tour Brutus. Juste à ce moment, une bête au pelage roux franchissait, d'un bond, l'espace qui séparait la fenêtre ouverte de la cage du perroquet. En un clin d'œil, la cage fut bousculée, renversée. Le perroquet, la tête en bas, battait éperdument de l'aile et criait d'une voix lamentable « Quel tremblement de terre! Quel terrible tremblement de terre !» Avant que les deux chiens et le chat fussent revenus de leur surprise, la bête étrangère se laissa tomber juste au milieu de leur groupe. Ils furent debout d'un seul mouvement. Pompon, les pattes raidies, aboyait aussi fort qu'il pouvait. Hérissé, le dos rond, prêt à bondir, Bricadour poussait des miaulements de menace. Le bon Brutus gardait une attitude amicale, mais il semblait fort surpris, lui aussi, devant cet être singulier, dont la face grimaçante était éclairée par des yeux d'une mobilité extrême, et qui, selon les dires de Bricadour, avait bel et bien quatre mains. De son côté, Makoko, car c'était lui, Makoko, singe de Guinée, arrivé la veille à Paris, regardait avec curiosité les trois bêtes qui l'entouraient. Dressé sur son séant, il se tenait immobile. Les trois autres ne bougeaient pas davantage. Tout à coup, cette immobilité fit place à la plus folle sarabande. Rapide comme l'éclair, Makoko avait sauté par-dessus Pompon. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il donna une bourrade au ratier, saisit Bricadour par la queue et le traîna sur le sable. Puis, au moment précis où il allait recevoir un coup de griffe, il s'esquiva d'un bond léger et retomba à califourchon sur le dos de Brutus. Celui-ci eut beau se secouer, se cabrer, faire des sauts de côté, le cavalier tenait ferme sur son dos. Et non seulement il tenait ferme, mais de ses quatre mains, il tordait la peau, tirait les poils, pinçait. Alors Brutus se mit à trotter, puis à galoper. Pompon, courant derrière lui, aboyait à se rompre la gorge, et Bricadour lui-même bondissait en miaulant. Ce fut une galopade effrénée, dans la cour d'abord, puis dans l'usine, dans les magasins, dans les bureaux. Ne sachant plus de quel côté se diriger, le pauvre Brutus s'engagea dans un couloir qui, entre le bureau des comptables et celui des dactylographes, servait de vestiaire. Or, au fond de ce vestiaire, il y avait une table et, au-dessus de cette table, une glace accrochée à un piton. Makoko ne s'était encore jamais trouvé devant une glace. Emporté par sa monture vers le fond du vestiaire, il vit avec stupéfaction accourir vers lui, avec une vitesse égale à la sienne, un singe de Guinée qui lui ressemblait comme un frère. Il sauta sur la table et l'autre singe, en même temps, sauta sur une table toute semblable. Ravi de cette rencontre, Makoko, pour faire plus vite connaissance avec son congénère, souleva le cadre de la glace. Sous le cadre, il n'y avait que le mur. Makoko pensa qu'il rêvait. Il laissa retomber la glace et vit encore son frère qui le regardait, là, tout près, si près qu'il suffisait d'avancer la main pour le toucher. Makoko avança la main et ne toucha que le verre froid et dur. Pourtant, l'autre était bien là. Makoko souleva encore la glace. Rien. Il crut à une niche. Pendant le temps très court qu'il mettait à soulever la glace, l'autre sans doute s'esquivait. « Tu es agile, » pensa Makoto, « mais je t'attraperai quand même. Tu vas voir. » Prestement, il souleva la glace, la laissa retomber, la souleva encore et ainsi de suite, avec une rapidité toujours croissante. Ce qui devait arriver arriva. Le piton céda et la glace, tombant sur la tête de Makoko, puis de là sur le parquet, se brisa en miettes avec un grand fracas. Les deux chiens aboyaient, le chat miaulait. Dans la cour, on entendait Psitta crier d'une voix aiguë « Voici le vitrier !» Puis d'une voix grave et traînante « Je raccommode la porcelaine, le marbre, le verre et le cristal !» Ce vacarme attira le concierge et l'oncle Jean. Celui-ci courut au vestiaire. Le singe, la mine piteuse, se frottait la tête. Son maître l'emporta, disant « Pauvre Makoko, tu n'avais jamais vu ton image qu'au miroir des eaux. Tu ne connais pas les inventions des hommes, pauvre Makoko. » Derrière lui, Psitta, dont on avait redressé la cage, se prit à répéter « Pauvre Makoko, Pauvre ma coco. Chapitre 2. Le singe ne comprit pas ce qui lui était arrivé. Il resta persuadé de l'existence de ce frère qui se cachait derrière les miroirs. Ce frère s'esquivait si lestement que jamais il ne pourrait l'attraper. Cela le vexait un peu. Aussi, lorsqu'il arrivait devant une glace, tournait-il vivement le dos, non sans jeter, pourtant, par-dessus son épaule, un coup d'œil furtif. Et cela suffisait pour apercevoir l'autre singe, tourner le dos en même temps et regarder lui aussi par-dessus son épaule. Les meilleures plaisanteries sont les plus courtes. Celles-ci duraient véritablement trop. Makoko n'insistait pas, affectant un détachement complet à l'égard de ce frère insaisissable. Mais alors, il se sentait plus seul parmi les hommes. Il songeait avec mélancolie à la forêt natale, il songeait aux siens qui gambadaient librement au clair de lune et se poursuivaient parmi les branches. Pourtant, Makoko entretenait de bonnes relations avec les animaux de la maison. Il taquinait Psita, mais ne renversait plus sa cage. Il ne tirait plus fort la queue de Bricadour. Il faisait encore aboyer Pompon, mais ce n'était plus de colère. Brutus lui servait de monture et c'était plaisir de voir le bon chien de garde faire sa ronde de surveillance avec le singe gravement assis sur son dos. Les hommes, non plus, ne se montraient pas méchants. Directeur, ingénieur, ouvrier, apprenti, magasinier, comptable, faisaient fête à Makoko. On ne le laissait guère pénétrer dans les ateliers de crainte qu'il ne se fît happer par quelque courroie et entraîner dans un engrenage. Mais il fréquentait librement la maison du directeur, la loge du concierge et les bureaux de l'usine. On était dans la première moitié de novembre, saison triste sous le climat de Paris. Le froid commençait à se faire sentir et, surtout, la durée des jours diminuait rapidement. Dès 5 heures du soir, comme sous la baguette d'une fée, les lampes électriques s'allumaient. La grosse lampe à arc au-dessus de la cour et les nombreuses lampes à incandescence à l'intérieur des ateliers ou bureaux. Les alentours de l'usine, les maisons, les monuments, les rues, les véhicules s'embrasaient de la même façon soudaine. Makoko n'était pas le seul à s'en étonner. Ce jour factice, succédant à la nuit commençante, surprenait toujours les bêtes. Or, un soir, à l'heure grise du crépuscule, Makoko, qui traversait les bureaux sur sa monture ordinaire, vit le chef comptable tourner le bouton d'un commutateur. La lumière jaillit. Grand imitateur, le singe se dressa sur le dos de Brutus et, vivement, tourna lui aussi le bouton. Et ce fut la nuit. Des éclats de voix se firent entendre. Mi-fâchés, mi-joyeux, les comptables criaient « Haro !» sur Makoko. Celui-ci, insensible à tous ces bruits, tournait rapidement le bouton, faisant à volonté le jour et la nuit. Il fallut le mettre à la porte. L'émoi fut grand au clan des bêtes. Makoko faisait ce que ni Brutus, ni Pompon, ni Bricadour ne pouvaient faire. Makoko savait allumer et éteindre les lampes. Makoko, tout comme un homme, faisait à volonté le jour et la nuit. Son prestige grandit considérablement aux yeux de ses amis. Seul, Psita était d'intelligence trop faible pour apprécier à sa valeur ce talent du singe. Il ne savait que répéter « Pauvre Makoko ! Pauvre Makoko !» À vrai dire, Makoko ne méritait pas complètement sa gloire nouvelle, car, pas plus que les autres, il n'avait percé les mystères de l'éclairage électrique. Il ne savait rien, Makoko. Dans les profondeurs de la forêt africaine où s'était écoulée sa jeunesse, on connaissait la lumière violente du soleil tropical, les rayons argentés de la lune et le doux scintillement des lointaines étoiles. Par les crépuscules étouffants, on voyait aussi voltiger, sous les arbres, des insectes phosphorescents qui semblaient de petits astres pâles. Mais on ne connaissait nulle lumière qui ne fût naturelle, si ce n'est, parfois, un vague rougeoiement de l'horizon au-dessus d'un pauvre village, ou bien les lueurs dansantes d'une file de torches résineuses brandies par les nègres. Les autres bêtes avaient une expérience beaucoup plus grande de la vie civilisée. Brutus, notamment, avait vu, dans la ferme natale, les paysans s'éclairer avec de fumeuses chandelles de suif, des bougies, des lampes à huile, à essence minérale ou à pétrole. Pompon, qui avait vu le jour aux environs d'une usine à gaz et fait ses premières chasses entre les barils de goudron et les monticules de coke, Pompon connaissait les becs de gaz de toutes formes, depuis le bec à flamme nue jusqu'au bec à manchon incandescent. Ni Bricadour, ni Psitta lui-même ne s'étonnaient aussi facilement que Macoco. Pour celui-ci, la plus humble petite flamme jaillissant d'un briquet était chose fort curieuse. Chaque fois que l'oncle Jean tirait de sa poche une boîte d'allumettes, le singe accourait. La petite déflagration le faisait sauter en arrière, tout effrayé. Mais il revenait aussitôt et si près qu'il ne manquait point de respirer à pleine narine le gaz provenant de la combustion du soufre et du phosphore. Alors il se sauvait de nouveau, éternuant, toussant, faisant d'affreuses grimaces et des cabrioles sans fin. « Pauvre Macoco ! Pauvre Macoco !» disait Psitta de sa voix éraillée. Macoco devait cependant finir par se familiariser beaucoup trop avec les allumettes. Un jour, vers midi, comme il avait pénétré avec Brutus et Pompon dans le bureau des comptables, qui était désert à 7 heures, il avisa sur une table une boîte d'allumettes bougies. Aussitôt il s'en saisit et il l'ouvrit, comme il avait vu faire à l'oncle Jean et à la cuisinière. Brutus comprit que son protégé outrepassait ses droits. Il gronda « Il ne faut toucher à rien ici. Tu te feras fouetter, Macoco !» dit à son tour Pompon. Mais déjà, une allumette craquait, flambait. Le singe avait remarqué que la cuisinière, pour allumer son fourneau, approchait son allumette d'une feuille de papier. Il était bien facile d'en faire autant. Le papier ne manquait pas au bureau des comptables. « Vous allez voir, » dit Macoco, « vous allez voir !» Saisissant une liasse de feuilles manuscrites, il en froissa quelques-unes et en approcha l'allumette. « Ne fais pas cela !» s'écria Brutus, qui se rendait compte du danger. « Ne fais pas cela ou tu vas sentir mes crocs !» La menace venait trop tard. Le papier brûlait avec une flamme claire. Brutus et Pompon donnèrent l'alarme. Le concierge accourut, puis l'oncle Jean. La liasse tout entière, comprenant une centaine de factures, était consumée et le feu gagnait le livre journal. Quant à Macoco, il se sauvait à travers les bureaux, sautait d'une table sur l'autre et, fier de son nouveau savoir, faisait sans relâche craquer des allumettes et les jetait autour de lui. Il fut légèrement fouetté, comme le lui avait prédit Pompon. « Si tu recommences, je ne jouerai plus avec toi, » lui dit le sage Brutus. Le lendemain, pourtant, il recommença. Mais cette fois, ce furent des allumettes à phosphore blanc, très facilement inflammables, qui lui tombèrent sous la main. La première qu'il fit flamber communiqua le feu à toutes les autres et, brûlé au doigt, Macoco jeta la boîte en poussant des cris de douleur et d'effroi. Il n'eut plus jamais envie de toucher aux allumettes, mais ne fut point guéri, pourtant, de sa manie d'imitation. Banni du bureau des comptables, il aimait à se réfugier dans le bureau voisin, chez les secrétaires et les dactylographes. À la stupéfaction de Brutus, il ne tarda point à s'installer sur un haut tabouret, devant une machine à écrire. Il tapait sur le clavier à tour de bras, avec une rapidité à laquelle on aurait pu prétendre la dactylographe la plus expérimentée. « Tu vois, » disait-il à Brutus scandalisé, « tu vois qu'il n'est pas difficile d'écrire. » En quelques minutes, il eut détraqué la machine. Il faillit encore être fouetté. « Cette fois, » dit Brutus, « si tu recommences, je te tiens pour incorrigible. Non seulement je ne joue plus avec toi, non seulement je ne te tolère plus sur mon dos, mais je ne te protège plus. » Si tu recommences, je t'abandonne, je ne te connais plus. » Macoco recommença. Alors Brutus le tint pendant quelques jours à l'écart et il fut banni du bureau des dactylographes comme il avait été banni du bureau des comptables. En revanche, grâce à l'entremise de l'oncle Jean, il eut ses entrées au laboratoire des ingénieurs. Et dès le premier jour, il faillit y trouver la mort. Pour les besoins de leurs recherches et expériences, les ingénieurs disposaient d'un courant électrique à tension élevée. Le fil où passait ce courant se trouvait tout en haut du laboratoire, hors de portée. Mais pour témoigner sa joie à ses nouveaux amis, l'agile Macoco jugea bon de montrer ses talents d'acrobate. Il commença par sauter sur une table, de là sur l'épaule d'un des ingénieurs, puis sur un haut écran, et enfin, s'accrochant d'une main à une barre de fer, de l'autre, il atteignit le conducteur électrique. Instantanément, une convulsion violente secoua tout son corps et il resta suspendu au fil comme un fruit est suspendu à la branche. Les ingénieurs et l'oncle Jean s'étaient précipités. Ils interrompirent le courant et reçurent dans leurs bras le pauvre Macoco inanimé. Ils lui firent des tractions de la langue, lui levèrent et lui baissèrent les bras afin de provoquer la respiration artificielle. Ce fut miracle si, après de longs efforts, ils réussirent enfin à le rappeler à la vie. Pour éviter semblable accident à l'avenir, les ingénieurs durent couvrir le fil d'une gaine isolante. Prudemment, ils fermèrent aussi avec soin l'armoire au poison. Ces précautions prises, Macoco put revenir au laboratoire. Il s'y trouvait en compagnie de Bricadour, qui était le favori de l'ingénieur chimiste. « Jouons, Bricadour !» proposait Macoco. Mais le chat faisait la sourde oreille, ou bien il répondait avec hauteur « On ne joue pas chez les savants !» Bricadour restait de longues heures immobile, couché en rond sur un coussin, parmi les bocaux, les cornues, les mortiers et les étranges flacons à longue tubulure. Les yeux mi-clos, il semblait surveiller les minutieuses analyses, le bouillonnement des acides rongeant les métaux, le lent dépôt des cristaux multicolores. Et Macoco, momentanément assagi par sa récente mésaventure, faisait, lui aussi, moins de cabrioles. Il lui fut permis de pénétrer au cabinet noir où l'on développait les clichés photographiques à la faible lueur d'une lanterne à verre rouge. Cette lanterne rouge l'amusait fort. Il admirait aussi les écrans phosphorescents qui, exposés à la lumière ou même à des radiations invisibles et transportés ensuite dans l'obscurité, répandaient des lueurs verdâtres ou orangées. Un jour, dans le laboratoire où l'on avait fait la nuit, il assista à la radioscopie de Pompon qui s'était blessé à l'épaule et qui boitait. Grâce aux rayons X qui traversaient la chair comme la lumière ordinaire traverse une vitre, il aperçut sur un écran brillant l'ombre des os du blessé. « J'ai vu tes os, Pompon, lui dit-il, j'ai vu tout ton squelette aussi nettement que je vois à présent ton vilain nez. » L'autre n'en voulut rien croire et Brutus accueillit également la nouvelle d'un air de doute. Le lendemain, Macoco annonça « J'ai regardé à travers une loupe l'œil de Bricadour et je l'ai vu aussi gros que ma tête. On m'a montré au microscope une toute petite plume de psitta, elle était plus grande qu'un balai. « Tu nous prends pour des sots !» répondit Pompon, toujours incrédule. « Je dis la vérité, je vais vous le prouver sur l'heure. » Macoco alla chercher une loupe. Bricadour était couché sur le sable, car un beau soleil d'automne brillait ce jour-là. « Approchez !» dit Macoco aux deux chiens. « Approchez, je vais vous montrer une oreille de chat comme vous n'en avez jamais vu. Une oreille immense, une oreille d'âne. » Il plaça la loupe à bonne distance au-dessus de la tête du chat. Or, la loupe faisait bien apparaître très grossie l'oreille de Bricadour, mais en même temps, elle concentrait en un seul point les chauds rayons du soleil et ce foyer ardent se trouvait à la pointe de l'oreille justement. Tout à coup, avant même que Brutus et Pompon aient pu voir l'immense oreille d'âne, Bricadour se redressait en miaulant de douleur. En même temps, il allongeait à Macoco un maître coup de griffe. « Voilà qui t'apprendra à me roussir le poil, vilain fils des bois sauvages !» Macoco s'éloigna avec sa loupe, sans avoir compris ce qui était arrivé, sans avoir compris pourquoi Bricadour s'était mis en colère. Mélancolique, il s'en alla vers le laboratoire. Ainsi, ses amis l'accusaient de mensonge, et même il se fâchait quand il apportait la preuve de ses dires. Makoko éprouvait le besoin de se confier à quelqu'un. Mais à qui ? Il y avait bien le singe des miroirs, le frère insaisissable, qu'il faisait semblant de ne plus jamais regarder. Celui-ci, sans doute, l'aurait compris, l'aurait cru. Mais Makoko lui gardait rancune et ne voulait plus essayer d'entrer en relation avec lui. Makoko pénétra donc, seule et triste, au laboratoire désert. On venait d'y apporter, pour une expérience, deux grands miroirs métalliques à surface courbe, l'un concave, l'autre convexe. Et Makoko, qui avançait toujours, vit surgir du fond des miroirs et venir vers lui deux singes étonnants, difformes, monstrueux. L'un était très haut et très mince, avec des bras semblables à des lianes. L'autre, au contraire, ridiculement court, large, tassé, avait la bouche fendue en tirelire comme par un coup de sabre. Jamais, non jamais, Makoko n'eût pu croire qu'il existât, quelque part au monde, d'aussi vilain singe. Mais qu'importait, après tout, qu'ils fussent beaux ou laids ? L'essentiel n'était-il pas qu'ils fussent de bons compagnons ? Makoko leur fit un geste d'amitié qu'ils imitèrent instantanément, mais de façon ridicule. Puis il passa derrière les miroirs pour tendre la main à ses bizarres congénères. Les singes de la famille de Makoko ne se tendaient point la main quand ils se rencontraient dans la forêt équatoriale. Mais Makoko avait vu tant de fois les hommes faire ce geste qu'il se réjouissait de l'apprendre à ceux de sa race. Par malheur, quand il fut derrière les miroirs, les deux singes ne s'y trouvaient pas. « Quoi ?» pensa Makoko. « La comédie insupportable va-t-elle recommencer avec ces deux monstres ?» La comédie recommença en effet. Mais cette fois, les choses se gâtèrent tout de suite, car Makoko était à bout de patience. Outré, il renversa les miroirs et se mit à frapper à tour de bras, tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Et sous les dures surfaces métalliques, deux singes furieux et grotesques semblaient lui rendre coup sur coup. Chapitre 3. Brutus, Pompon, Bricadour et le trop célèbre Makoko tenaient conseil au milieu de la cour. Psitta s'écria « Circulez ! Circulez !» Du haut de son perchoir, il imitait la voix d'un agent de police qui, souvent, devant l'usine, dispersait les attroupements encombrant la chaussée. « Circulez ! Circulez !» « Tais-toi !» riposta Pompon. « On ne te demande pas ton avis, poule verte !» Rien ne vexait Psitta comme d'être comparé à une poule, fût-ce à une poule verte. Passant un bec furieux au barreau de sa cage, il jeta au ratier l'insulte habituelle. « Il est enragé, ce petit chien-là ! Rouquet ! Rouquet ! Rouquet !» Mais Pompon ne s'occupait plus de lui. Pompon, Brutus et Bricadour écoutaient Makoko qui exposait de grands projets. C'était un samedi pendant la soirée. Les ouvriers ne travaillaient pas. L'usine, à l'ordinaire si bruyante, pleine de tintements sonores et de ronflements, semblait morte. Et Makoko ne parlait de rien moins que de pénétrer dans les ateliers et de tout remettre en marche. Oui, il remettrait tout en marche, lui, Makoko. Cela ne devait pas être si difficile. N'avait-il pas déjà surpris plus d'un secret chez les hommes ? Ne savait-il pas faire le jour et la nuit, ouvrir et fermer une porte, allumer un incendie, écrire à la machine, manier une loupe ? Qui l'empêcherait d'imiter les gestes des ouvriers comme il avait imité ceux de l'oncle Jean, des dactylographes et des ingénieurs ? Amis, suivez-moi, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. « Soit, dit Bricadour, allons assister à de nouvelles catastrophes. »« Soit, dit Pompon, allons-y, s'il survient un malheur, nous donnerons l'alarme. » Brutus ne bougeait pas, l'œil sévère. « D'abord, fit Makoko, il faut ouvrir la porte de l'atelier aux machines. Approche, Brutus, je vais monter sur ton dos afin de pouvoir tourner aisément le bec de canne. » Brutus ne bougea pas davantage, il dit « Je suis chien de garde. Tu ne monteras pas sur mon dos pour ouvrir la porte de l'atelier aux machines. D'ailleurs, toute porte fermée reste fermée. » « Eh quoi ? » s'écria Macoco. « N'es-tu pas mon ami ?»« Ami ou ennemi, nul ne passera à la porte que je suis chargé de garder pendant l'absence de mes maîtres. » Macoco essaya en vain, par des cajoleries et des discours subtils, de gagner Brutus à sa cause. Il lui sauta même sur le dos, mais l'autre le désarçonna d'un coup de rein et l'envoya rouler sur le sable. Brutus demeurait inflexible. Il ne transigeait point avec son devoir. Alors Macoco demanda « Nous laisseras-tu, au moins, franchir le seuil d'une porte ouverte ?» Brutus réfléchit et finit par répondre « Oui, si les maîtres ont laissé une porte ouverte, c'est que l'on peut y passer sans inconvénient. »« Bon, dit Macoco, allons en avant, mes amis !» Précédant Pompon et Bricadour, il se dirigea vers l'atelier de réparation, dont la porte était, en effet, entrebâillée. Brutus, inquiet, suivit. L'atelier de réparation était un local assez exigu, où quelques vieux ouvriers spécialistes faisaient, à la main, de menus travaux variés qu'il eût été difficile de faire exécuter mécaniquement. À cette heure, il était désert comme toute l'usine, et Macoco s'en proclama le contremaître. Il n'y avait là, par bonheur, qu'un outillage ordinaire, peu compliqué, peu dangereux. À part des lampes et chalumeaux à braser et un petit matériel pour soudure autogène, on ne voyait guère, dans cet atelier, que ce que l'on voit dans la plus humble boutique de forgeron. Une forge avec son soufflet, plusieurs enclumes, une série d'étaux fixés à un établi, des marteaux, pinces, tenailles, cisailles, burins, scies à métaux, compas, vilebrequins, mèches, forêts, limes et meules. Puis, dans de petits casiers, des boulons, des rivets, des écrous. Macoco, soulevant un marteau, fit sonner les enclumes. Ensuite, il tira la chaîne du soufflet, mais fut tout surpris de constater que le courant d'air ne suffisait pas à allumer le charbon de la forge. Cet échec ne le découragea d'ailleurs point. Avisant des cisailles, il émit la prétention de tondre Brutus et de raccourcir la queue de Pompon. Comme celui-ci aboyait en courant autour de l'atelier, Macoco menaça de lui souder les mâchoires ou, tout au moins, de les lui réunir par quelques solides rivets. Tout cela n'était que plaisanterie. Ni Brutus ni Pompon ne se fâchaient. Les choses prirent mauvaise tournure quand, à son tour, Bricadour entra dans la danse. Armé d'un vilebrequin, Macoco s'efforçait à lui ouvrir, derrière le crâne, un œil supplémentaire. « De la sorte, disait-il, quand tu seras poursuivi par un rat, tu n'auras pas besoin de détourner la tête pour voir s'il te gagne de vitesse. » Bricadour n'entendait pas toujours la raillerie au sujet de ses démêlés avec les rats. Vexé, il allongea sournoisement la patte, toute griffe dehors. « La caresse est un peu rude, » s'écria Macoco. « Honte aux mauvais camarades. Émoussons-lui les ongles. À la meule, à la meule. » Il sauta sur Bricadour et l'entraîna vers une meule de grès. Mais le chat lui échappa, non sans lui avoir donné un second coup de griffe. Lancé à sa poursuite, Macoco brandissait une lime, criant toujours qu'il voulait lui rogner les ongles, les lui réduire en limaille, lui user le bout des pattes jusqu'à l'os. Bricadour avait mauvais caractère. Le jeu se termina par une vraie bataille. Brutus mit à la porte les deux combattants. Dans la cour, ils se réconcilièrent, car leur rancune n'était jamais très longue. Ils se réconcilièrent même si bien qu'ils formèrent avec Pompon le projet de pénétrer, malgré Brutus, dans l'atelier aux machines. Il fallait pour cela attendre le moment favorable. Pour donner le change aux chiens de garde, ils se tinrent autour de lui comme des bêtes très sages. Macoco disait « Je plains les ouvriers de l'atelier de réparation. Leurs outils sont lourds à manœuvrer. » Leurs camarades du grand atelier n'ont qu'à surveiller des machines qui font le travail à leur place. Mais il y a là une chose que je ne comprends pas. Car enfin, les machines ne sont pas vivantes. Qui donc leur donne le mouvement ? Chez nous, c'est l'électricité, enseigna Brutus. On ne t'a donc rien appris dans ta forêt tropicale, railla Bricadour. Mets-toi bien dans la tête, une fois pour toutes, ce que te dit Brutus. C'est l'électricité qui donne le mouvement aux machines des hommes, comme c'est l'électricité qui fournit la lumière. L'électricité, toujours et partout. N'exagérons rien, corrigea Brutus. De même que l'électricité n'est pas la seule source de lumière, elle n'est pas la seule force employée par les hommes. Ce n'est pas l'électricité qui fait avancer la brouette du jardinier ou la lourde charrette à chevaux qui carotte en ce moment devant la grille. Dans ma province natale, j'ai vu tourner des ailes de moulins à vent sur les collines et, au fond des vallées, des roues de moulins à eau. Ce n'était point non plus l'électricité qui les faisait mouvoir. Et moi, dit Pompon, qui ne voulait pas paraître moins savant, j'ai vu des machines à vapeur et des moteurs à gaz. Il ajouta soudain. Dis-moi, chat, les innombrables automobiles que tu entends rouler sur l'avenue ont-elles un moteur électrique? Le crois-tu? Bricadour ne daigna pas répondre. Mais Makoto reprit malicieusement. On ne t'a donc rien appris dans ta jeunesse, chat de gouttière. Si j'en crois nos deux amis, l'électricité a si peu d'importance que ce n'est guère la peine d'en parler. Quelle erreur, corrigea encore Brutus, nous n'avons point dit cela. Les hommes utilisent de plus en plus la force électrique parce qu'elle est d'un emploi facile et qu'on peut la transporter aisément d'un point à un autre. J'ai entendu dire aux ingénieurs que le courant utilisé par nos usines vient d'une chute d'eau située très loin d'ici. L'électricité produite par la cascade est amenée jusque chez nous par un simple fil, et il suffit d'appuyer sur une manette pour mettre en marche la plus puissante machine. Si tu le permettais, insinua doucereusement Makoko, j'appuierais, comme tu dis, sur la manette et nous verrions. Brutus n'en écouta pas davantage. Il se campa devant la porte de l'usine en grondant « Arrière, on ne passe pas !» Les autres semblèrent se le tenir pour dit. Ils se mirent à jouer dans la cour de l'air le plus innocent. Mais tout à coup, comme Brutus, sans méfiance, se tenait près de la porte de l'atelier, Makoko lui sauta sur le dos, appuya sur le bec de canne et la porte s'ouvrit. En un clin d'œil, Pompon et Bricadour, se glissant entre les pattes de Brutus, pénétrèrent dans l'atelier. Makoko s'y trouvait déjà et, clac, repoussait la porte au nez de Brutus. Les trois complices, singes en tête, coururent par l'atelier pendant que résonnait au dehors la grosse voix du chien de garde. « Ce n'est pas tout d'entrée, fit observer Bricadour. Montre tes tours, Makoko. Mets-nous toutes ces machines en marche. » Il y avait là, pour la fabrication en grande série, de longues files de machines. Machines à percer, à fileter, étau-limeur, raboteuse, fraiseuse, alaiseuse, affûteuse, scie à métaux, cisaille mécanique, machine à découper, à emboutir, à rectifier, à poinçonner, tour, marteau-pilon. Fais raboter les raboteuses, fais percer les perceuses, fais tomber les marteaux-pilons, disait Bricadour. Et Pompon, de son côté, « Allons, Makoko, appuie sur la manette !»« Appuyez sur la manette !» Certes, Makoko ne demandait pas mieux. Mais où se trouvait-elle, cette fameuse manette? Et d'abord, y avait-il une seule manette, ou 10, ou 100, ou 1000? N'y avait-il point des manettes innombrables? Makoko, perplexe, courait d'une machine à l'autre, grimpait sur les lourdes charpentes de fonte, s'accrochait aux courroies de transmission, tirait, poussait, frappait du poing. Rien ne bougeait. « Fais tomber les marteaux-pilons, Makoko !»« Makoko, appuie sur la manette !» Les deux autres l'encourageaient d'une voix moqueuse. Il se mit à trépigner d'impatience. Tout à coup, on entendit une galopade par les ateliers. Averti par les aboiements de Brutus, un surveillant et le concierge accouraient. Bricadour et Pompon s'éclipsèrent prudemment. Quant à Makoko, à la vue des deux hommes, il grimpa le long d'une courroie jusqu'aux poutrelles de fer qui soutenaient la toiture. Descends, ma coco, descends vite !» Le concierge appelait ma coco d'une voix douce, mais il cachait sa main derrière son dos. Au reste, dans la cour, Psitta répétait un avertissement qu'il venait sans doute d'entendre. « Tu seras fouetté, ma coco. Tu t'en souviendras, ma coco. » Aussi, ma coco, plein de méfiance, ne se hâtait-il point de quitter les poutrelles inaccessibles. On apporta des échelles et on le pourchassa. Ce fut en vain. Il fallut l'arrivée de son maître, l'explorateur, pour qu'il consentît enfin à descendre. L'oncle Jean lui évita le fouet. Mais, afin qu'il ne commît point de nouvelle escapade, on enferma ma coco pour le reste du jour dans une chambre de la maison. Alors, il se coucha sur le parquet, fort triste. Et, comme toujours lorsqu'il était triste, il eut un accès de nostalgie. Comme il aurait voulu revoir sa forêt natale, comme il aurait voulu revoir les siens. Quel malheur de n'avoir autour de soi que des bêtes étrangères et ces mauvais singes des miroirs avec lesquels toute camaraderie était impossible. Il n'avait point revu les deux coquins difformes contre lesquels il s'était battu. Mais l'autre, le singe qui lui ressemblait comme un frère, il était bien obligé de l'apercevoir un peu partout dans la maison. Sans doute était-il tout près d'ici. Ma coco leva la tête, regarda. Et ce qu'il vit le fit dresser d'un bond. Il se trouvait entre deux glaces parallèles et son image, se reflétant de l'une à l'autre à l'infini, il apercevait, sur sa droite et sur sa gauche, non pas un singe, mais deux rangées de singes, deux longues files qui se perdaient au loin dans une sorte de brouillard vague. Cette fois, il crut que tous les siens étaient enfin venus le rejoindre. Il sauta de joie, courut au-devant des singes de droite. Hélas, il s'agissait encore de singes insociables. Ma coco le comprit très vite, et cette fois, il ne se mit point en colère. Il se recoucha, désolé et un peu effrayé, à cause de tous ses faux frères qui se recouchaient aussi et semblaient le guetter. Quand l'oncle Jean pénétra dans la chambre, ma coco sauta dans ses bras. Et l'homme, qui était bon, caressa longuement la pauvre bête dont les yeux se voilaient de tristesse et d'angoisse. Chapitre 4. Les gâteries de l'explorateur dissipèrent encore une fois la nostalgie de ma coco. D'une intelligence vive, le singe, d'ailleurs, s'intéressait à tout ce qu'il voyait autour de lui. Il y avait chez les hommes tant de choses nouvelles, curieuses, étonnantes, qu'il allait de surprise en surprise. Dès le jour de son arrivée, il avait été stupéfait d'entendre Psitta proférer des paroles humaines. Certes, dans la forêt tropicale, on percevait les cris les plus variés. Chaque bête avait le sien, et même les siens, car la joie, la colère ou la peur ne se traduisent pas chez le plus humble animal de la même façon. Mais il était une vérité, bien connue de tous les singes, c'est que l'homme seul emploie un langage articulé. Comment se faisait-il donc que ce Psitta, oiseau peu intelligent en somme, comment se faisait-il que cette sotte poule verte, comme disait Pompon, pût faire entendre non seulement des aboiements, sifflements, grincements, mais encore la voix du concierge, ou celle de l'oncle Jean, ou celle des passants de la rue? Il doit y avoir un homme qui se cache par ici, pensait ma coco. Il inspectait minutieusement les environs, entré par surprise chez le concierge, fureté partout, sous les tables, sous les chaises et jusque dans la boîte d'une vieille horloge à poids. Puis, ne trouvant personne, il finissait par grimper jusqu'à la cage de Psitta et celui-ci de s'écrier d'une voix déchirante « Quelle bourrasque ! Quel tremblement ! Quel tremblement de terre !» En effet, la cage dansait terriblement, secouée par les mains prestes de ma coco. Mais l'homme caché n'apparaissait point. Le mystère demeurait entier. Ma coco discutait avec Pompon. « Je te dis qu'il y a un homme caché. »« Et moi ? » ripostait Pompon. « Je te dis et je te répète que s'il y avait un homme caché, Brutus et moi l'aurions flairé depuis longtemps. » Mets-toi bien dans ceux qui te serrent de tête, que nous avons un nez, Brutus et moi. » Macoco, cependant, n'en démordait pas. Sa certitude prit une force nouvelle lorsqu'il entendit pour la première fois le phonographe. C'était un après-midi chez le concierge. Il y avait sur la table une sorte de boîte carrée et, reposant sur cette boîte, un grand cornet métallique largement évasé. Le concierge posa sur la boîte un disque noir, tourna une petite manivelle et, aussitôt, un air de musique se fit entendre. Macoco, qui gambadait avec Pompon et Bricadour, s'arrêta net. « Jouons donc !» dit le ratier, pour qui le phonographe n'était pas une nouveauté. Mais Macoco écoutait, très attentif. D'où cette musique sortait-elle? De la boîte? Du cornet métallique? Macoco fit le tour de la table et demeura perplexe. Soudain, la musique cessa. Le concierge plaça un nouveau disque noir, puis, appelé au dehors, il sortit aussitôt. Alors, l'appareil fit entendre une voix humaine. Macoco sursauta. « L'homme caché !» Bricadour et Pompon se moquèrent de lui, mais Macoco ne les écoutait point. Il grimpa sur la table, colla son oreille sur la boîte, puis sur le cornet. De grands éclats de voix sortaient du cornet. Plus de doute, l'homme caché se trouvait là. Macoco voulut en avoir le cœur net. D'un bond, il plongea, la tête à la première, dans le haut-parleur. Le phonographe bascula et, à grand bruit, tomba sur le parquet, entraînant le singe dans sa chute. L'homme caché s'était tu. « Ah ah !» pensa Macoco, « j'ai enfin trouvé la cachette. Tu ne parles plus, sorcier, parce que tu es ennuyé d'être découvert. » Il avait engagé dans le haut-parleur sa tête et son bras gauche, et il poussait, poussait, afin de pénétrer plus avant. Au bout de quelques instants, ne voyant et ne trouvant rien, Macoco, à demi étranglé, voulut retirer sa tête. Hélas, il avait tant poussé qu'il lui était à présent impossible de sortir. Alors, il crut à un mauvais tour de l'homme caché. Il crut que l'homme caché, d'une poigne de fer, lui serrait la tête. Il se mit à tirer en arrière, désespérément, en faisant les plus folles contorsions. Mais la main de fer ne le lâchait point. Et Macoco, la tête toujours emprisonnée, traînait le phonographe sur le parquet pendant que Pompon donnait toute sa voix et que Bricadour miaulait, réfugié sur le dossier d'une chaise. Le concierge revint sur ses entrefaites. « La peste soit du singe ! » s'écria-t-il. « Il va briser mon phonographe !» Il saisit Macoco et réussit à le dégager. Le singe, aussitôt, lui glissa entre les mains et s'enfuit, éperdu, croyant toujours sentir à sa nuque la terrible étreinte de l'homme caché. L'oncle Jean étant absent, Macoco se réfugia auprès de son ami et protecteur Brutus. Celui-ci eut beaucoup de peine à le tranquilliser. Il dut lui affirmer à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'homme caché. Dans la cage du perroquet, il n'y a que Psitta. Celui-ci, comme tous les perroquets et comme d'autres oiseaux, arrive à imiter le langage articulé. Quant au phonographe de la loge, c'est une invention des hommes que je ne me charge pas de t'expliquer. Mais je sais qu'il y a d'autres appareils d'où sort la voix humaine. N'as-tu jamais vu, dans les bureaux, les employés devant le téléphone ? Ne les as-tu pas entendus poser des questions et répondre à un interlocuteur invisible qui se trouve parfois très loin ? Mais comment peut-on l'entendre s'il est loin ? Objecta Macoco. Je te répète que je ne me charge pas d'expliquer les inventions des hommes, répondit modestement Brutus. Je sais pourtant qu'il y a des fils électriques entre les appareils téléphoniques et je crois. Macoco n'écoutait plus. La sonnerie du téléphone venait justement de résonner dans le bureau des comptables. Il pénétra dans la salle, vit un des employés décrocher le récepteur, l'appliquer à son oreille, puis engager une conversation, comme s'il avait eu devant lui un autre homme. « Bon, pensa Macoco, ce n'est pas difficile d'écouter de la sorte. » 5 minutes plus tard, lorsque la sonnerie retentit de nouveau, il se précipita vers l'appareil, et, devant les employés amusés, ayant décroché le récepteur, il le colla énergiquement à son oreille. « Allô ? Allô ?» faisait une voix lointaine. « Allô ? Je vous téléphone de la Banque de France. Je voudrais parler au chef comptable de l'usine. » Makoko roulait des yeux étonnés et faisait d'impayables grimaces. Il lui échappa un petit cri de surprise qui ressemblait à un éternuement. Et l'interlocuteur lointain de continuer sur un ton fort impatient. « Vous êtes enrhumé, monsieur, alors soignez-vous, car cela pourrait vous rendre encore plus sourd que vous ne l'êtes. Mais trêve de plaisanterie. Oui ou non, voulez-vous répondre? Et d'abord, à qui ai-je l'honneur de parler ?»« Mvn !» fit Makoko. Le chef comptable, jugeant que cette scène avait déjà trop duré, repoussa enfin Makoko et, saisissant le récepteur, commença par présenter des excuses à l'employé de la Banque de France. Ce premier contact avec le téléphone avait laissé à Makoko un souvenir agréable. Aussi, les jours suivants, ne manquait-il point d'accourir lorsque retentissait la sonnerie d'appel. Mais les employés ne le laissaient plus écouter. Ils durent même l'éloigner des appareils téléphoniques, car, avec le geste d'un vieil abonné, il décrochait le récepteur et sonnait pour demander la communication. Au fond, malgré tout ce que lui avaient dit ses camarades, malgré toute la confiance qu'il accordait à Brutus, il croyait encore un peu à la présence de l'homme caché, et même de plusieurs hommes cachés. L'homme caché du téléphone, bien différent de celui du phonographe, ne lui avait joué aucun mauvais tour. Ce devait être un brave homme, un homme semblable à l'oncle Jean. Aussi, Makoko regrettait-il de ne plus pouvoir l'entendre. Par compensation, il fut admis, ainsi d'ailleurs que Bricadour et les deux chiens, à écouter d'autres voix lointaines. Le directeur de l'usine avait, en effet, installé un poste de radiophonie. Chaque soir, on recevait les émissions de différents postes émetteurs, parisiens, provinciaux ou étrangers. On entendait des concerts, des airs d'opéra, des conférences. On entendait annoncer les dernières nouvelles du jour. Les chiens et Bricadour écoutaient sagement. Mais Makoko ne pouvait tenir en place. Il imitait, de loin, les gestes de l'oncle Jean, qui tournait un bouton, afin de recevoir des émissions de longueurs d'onde différentes. N'ayant point de bouton à tourner, Makoko tortillait une oreille de Brutus jusqu'à lui faire mal. Le brave chien ne se fâchait pas. Il secouait seulement la tête lorsque la douleur devenait un peu trop vive. « Doucement, faisait-il, doucement, petit camarade, ce n'est pas mon oreille qui te fera entendre la voix des hommes cachés. » Makoko lâchait parfois l'oreille du chien, mais il lui arrivait alors d'attraper distraitement la queue du chat. Un rapide coup de griffe, lancé sans avertissement, lui rappelait que la queue du chat n'avait rien de commun avec un appareil téléphonique sans fil et qu'il ne fallait pas y toucher indiscrètement. À la fin, Makoko s'approchait de l'oncle Jean et lui sautait sur l'épaule. Le dernier samedi de novembre, au lieu d'une audition radiophonique, le directeur de l'usine donna aux ouvriers et employés une représentation cinématographique. L'oncle Jean, l'explorateur, comme chacun l'appelait, n'était pas allé en vain au cœur de l'Afrique. Il avait rapporté de ses voyages de nombreux documents. Un appareil photographique spécial, dit « appareil de prise de vue », lui avait permis de fixer des spectacles fort curieux, de préparer un film où bêtes et gens de l'Afrique centrale jouaient leur rôle. C'était ce film que le directeur de l'usine voulait faire passer sous les yeux des ouvriers et des employés. Tout le personnel se trouvait donc rassemblé dans une grande salle où l'on avait fait l'obscurité. Ni Makoko, ni Bricadour, ni les chiens n'avaient été formellement invités à cette séance. Cependant, profitant de l'obscurité, ils s'étaient glissés derrière les spectateurs. Un opérateur manœuvrait l'appareil de projection. À l'autre extrémité de la salle, l'explorateur commentait les scènes qui se succédaient sur un vaste écran. Il nommait les villes de la côte, celles de l'intérieur, montrer les villages nègres, les fleuves coupés de rapides, les montagnes aux flancs boisés. Des nègres et des négrillons défilèrent. Les spectateurs assistèrent à leurs travaux, à leurs jeux, à leurs danses. Puis ce furent des scènes de chasse qui animèrent l'écran. Des antilopes bondirent à travers les hautes herbes de la savane. Des buffles noirs aux cornes menaçantes chargèrent. On vit un chasseur à l'affût tuer un lion, des nègres percer à coups de lance une panthère prise au piège. Enfin parurent des arbres gigantesques et l'oncle Jean annonça « Nous arrivons maintenant à la lisière de la grande forêt tropicale, patrie du célèbre Makoko. » Il n'avait pas achevé ces mots qu'une rumeur traversée de rires, de cris, d'exclamations se fit entendre dans l'obscurité. Makoko, sautant d'une chaise sur une épaule, d'une épaule sur une tête, Makoko s'agrippant tantôt à une chevelure, tantôt à une oreille, tantôt à un nez, Makoko se précipitait vers l'écran. C'est que la scène de sa capture se déroulait sous les yeux des spectateurs. Il reconnaissait son pays natal, les grands arbres aux cachettes familières. Surtout, il reconnaissait les siens. Il voyait ses compagnons s'enfuir devant les chasseurs. Il voyait sa mère qui, après s'être enfuie comme les autres, revenait vers les chasseurs, bouleversée, donnant tous les signes d'un affreux désespoir. Ah, cette fois, Makoko n'avait plus devant lui les singes des miroirs, les mauvais singes insociables. Cette fois, il avait retrouvé, en même temps, son pays et sa famille. Au premier plan, un arbre semblait avancer une grosse branche. Fou de joie, Makoko, d'un bond prodigieux, s'élança vers cette branche, afin d'aller tout de suite se jeter dans les bras de la pauvre guenon désolée. Il retomba lourdement, n'ayant rencontré qu'une surface lisse et glissante. Et comme il relevait la tête, il ne vit plus ni sa mère, ni ses frères, ni le paysage familier. Le film continuait à se dérouler. Sur un fleuve inconnu, entre des rives fleuries, une légère pirogue glissait. Alors, le désespoir de Makoko fut tel qu'il ne se sentit plus la force de bouger. Il resta étendu au bas de l'écran. La séance prit fin presque aussitôt, on donna de la lumière. L'explorateur releva Makoko et le prit en ses bras. Sa pauvre petite figure brune était plus grimaçante que jamais. Cependant, personne autour de l'explorateur n'avait envie de rire. Le cœur de chacun se serrait à cause de ses yeux de bête où se lisait un silencieux reproche, à cause de cet air d'effarement et de détresse infinie. Ému jusqu'aux larmes, l'explorateur caressait la tête de Makoko. Il murmura « Petite créature sauvage, tu n'étais pas née pour vivre chez les hommes. Le jour où je t'ai séparée de ta mère, j'ai commis un acte cruel. Je réparerai ma faute. À mon prochain voyage, je te ramènerai parmi les tiens dans ta forêt natale. » Fin de Makoko chez les hommes d'Ernest Perrochon.